dans le hip-hop faut tout donner. Dans le hip-hop faut tout donner. Râle, il est trop. Dans le hip-hop faut tout donner. Rap de mon vulga, pousse. Rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui raillent. Rap de mon vulga, pousse. Rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui faillent. Tu m'as vu dans les magazines, t'as écouté mon rap de fou. Et malgré ça, je finirai par l'asile si j'ai posé sur vos têtes pour vos compiles. C'est pour faire mon dossier de presse et blinder comme les wings. Elle est rappeur, la vraie vie c'est pas un disque. Pas pour dire que t'as vécu, mais t'es loin du traumatisme. Ok, tu passes sur Skyrock et tu y crois. Mais dis pas n'importe quoi si on te voit sur M6. Je vois que le rap il a perdu son chemin. Vas-y viens, repose-toi sur mon bras, appelle-moi Dad. Tu sais que je t'aime et que jamais je te lâcherai. Qui t'a déclaré une guerre, tout est saut comme à Bagdad. J'ai le flow qui fait flipper les MC, ce que tu vois partout. Tous ces clans de baltrou, où les gros sont des partout. Hades, prod, c'est la signature, moto. On fait du rap de bâtard, interdit pour les graffs. Tout mon vulga, oots. Rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui raillent. Rap de mon vulga, oots. Rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui faillent. Coupé, joue pas avec Hades, tu vas perdre le tronc. Impitoyable, j'ai pas peur de perdre tomber. Papa, baisse le ton. Là, le trompe pas, je vais te faire danser sur les mains et te faire bouffer ma paire de tongs. Impitoyable, depuis qu'on l'opère, mais pas un string comme isolière sur un beat arabe. Mêle pas les teurs, inspecte le peu rap. FGM, le secteur, à l'exorciste, les sister, hack, etc. On débarque, on veut les barrios. Hombre, ça sera la mer, hein, quand y'aura des câbles dans le barrio. Pour l'instant, prends tes bagages et nique ta mère. Regarde tes braquages, moi je fais du rap à l'italienne. Plus proche de Sam Roustin que de Fabulous. À Saroustine, j'ai le flow et les faces qui font mal aux boules. T'entends pas le boom, va faire un flip ou une grouille avec Vincent McDoom. Avant, tu goûtes à ma douille. Tout mon vulga, oots, rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui raillent. Tout mon vulga, oots, rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui faillent. Comme un champêtre, rien de champêtre. Ce soir on chante, on se pète au champ. Ça chante dans l'antichambre, ça sent le champ. Les mythos fifs, les vitesses autres. Les pliés grisotes, vite leur sac, fait ton vis-à-vis des autres. Dans le quartier plein de lieutenants, c'est tout le monde qui sauve dans mon rap. Pas de camé sous crack. Mais des petits qui font le kamasutra au seuskra. Et terra, cherche une tache à ton plaque. Ça pue la puce, la zeuska. Viré by night, à la kiss, en SLK. Fais le Dalman, dans le rap. C'est plein de putes comme Sophie Talman. Ou de PD comme Palman. Ça fait mal à Jimmy Radical, man. Second de balle, est-ce que mon style hostile, hostile. Le niveau de mon stylo, flow kill pile. J'ai rangé sur le beat ou sur un kill pilon. Mon rap on fout dans les déguetta. Mon rap la foutre du vendetta. Mon rap on a rien à foutre. Mon rap se couche à l'heure de téléfoot. En plus il aime citer les fautes, citer les miennes, citer les tiennes, citer les nôtres. Mon rap casqué sur une bécane. Quand mon rap paie pas, moral déconne. Mon rap avait les schmitts au cul quand on rap. Si j'ai baisé par le nôtre, ça y était cocu. Mon rap anthologique, fume des substances écologiques. Classé XX, meurtrière apologique. Rap de mon vulga, oots. Rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui raillent. Rap de mon vulga, oots. Rap de Kaira, pousse. Les mecs de la rue, on vient pour fightra. Pour les dollars, interdit au corona. Sur la scène, c'est toujours les mêmes qui raillent. Le succès pour moi, 100%. Le succès pour moi, 100%. Le succès pour moi, 100%.